Amis humains, bonjour 2015, et vive l'optimisme, la France s'enlise, dans un monde incertain. Article, Agora Vox, décembre 2014. Guerre de Gaza été 2014, guerre en Ukraine, conflit en Centrafrique, guerre contre l'État islamique, sans oublier la suite des tensions plus ou moins armées et meurtrières de par le monde, de l'Afghanistan au Nigeria. Cette année, je verrai plutôt un enlisement généralisé pour la plupart de ces conflits qui ne peuvent pas se terminer, ce qui signifie guerre durable avec des pauses, des morts, des ventes d'armes et la poursuite des trafics en tout genre. En Libye, au Sahel et même avec les mafias très respectables à Rome, dans l'Est européen, et puis les cartels au Mexique. Bref, le monde moisit lentement pendant que dans les centres de recherche privés conçoivent des gadgets inutiles et plus performants pour remplacer les anciens devenus obsolètes mais qui étaient tout aussi inutiles. Le commerce avance dans une économie mondiale relativement dynamique mais quelque peu atone au Japon et en Europe. Les États-Unis sont enlisés dans une crise sociale qui devrait s'installer. Quant au processus de paix en Israël, reconnaissons qu'il n'est pas enlisé, il est tout simplement enterré. L'économie atone ne va pas faciliter les affaires des pouvoirs politiques en Europe. L'enlisement semble être le mot-clé pour l'année 2015 alors qu'en France, aucun scrutin important. Juste les élections régionales qui verront croître l'abstention alors que les petites phrases vont occuper le temps de cerveau disponible réquisitionné par les médias de masse. Les pics du teigneux Sarkozy feront là une mérite de ne pas imprimer dans le cerveau des Français. C'est juste que l'imprisque de se transformer en un parti dont les militants sont aussi éclairés que les témoins de Jéhovah. Les sondages vont se succéder et la guéguerre contre le FN va se dérouler avec les déclarations toutes convenues ainsi que la cinquième colonne de France Inter avec ses sbires du rire qui tellent. Je tairai leur nom par charité à l'égard de ces nouveaux comiques troupiers et troupières, auront toujours quelques pics pour ricaner de Marine Le Pen et ses pathétiques lieutenants. En 2015, il n'y a plus d'humoristes, on ne rit pas, on ricane. C'est bon pour détendre le ventre avec ceux qui réfléchissent comme des pieds. 2015 en Europe, ce sera l'enlisement. Bien naïfs sont ceux qui croient aux nouvelles formations en Italie, Espagne, ou dans la gauche en Grèce. C'est toute la structure du système qu'il faut changer et les peuples européens ne sont pas suffisamment blindés dans le sens moral, spirituel et intellectuel pour porter un projet collectif. La politique se joue à l'émotionnel, entre peur, crainte, colère et petits plaisirs entre soi. Les uns veulent punir le pouvoir, les autres attendent du pouvoir qu'ils maintiennent leurs avantages acquis. Dans ce cadre, la France ne peut que continuer dans l'enlisement, le chômage, la crise sociale, la pauvreté et le maintien des positions acquises par les classes du dessus. Il ne se passera rien de bien étonnant en 2015, juste des catastrophes, accidents ou phénomènes climatiques, sans oublier les pertes humaines dans les différents conflits enlisés. De quoi donner du grain à moudre aux rédactions et de remplir les écrans d'images impressionnantes. Et François Hollande, il devrait essayer de passer le temps en occupant l'espace et jouer de l'enlisement en gérant le pays jusque vers fin 2016, moment où les choses sérieuses vont commencer. Sérieuses pour les médias et les compétiteurs politiques. L'élection présidentielle en France, c'est comme les Jeux, sauf que ça revient tous les 5 ans. Nous ne sommes plus dans un ressort propice aux mouvements sociaux et à autres innovations culturelles comme cette année 1968 débutant par un célèbre éditorial sur la France qui s'ennuie. En 2015, il faudrait écrire un édito intitulé « La France s'enlise point ». Maintenant, on pourra se demander si cet enlisement est un phénomène profond dont le reflet serait la médiocrité des émissions de masse dans les domaines informatifs, culturels, scientifiques, artistique, ou alors si ces médias influent sur les cerveaux des gens pour les rendre mollassons et paresseux, si bien que la France ne fait que subir les événements mais ne porte plus de projets collectifs inscrits dans le champ historique. La politique de civilisation chère à Edgar Morin ne peut pas émerger, et la civilisation de s'enliser. Restez vivants en 2015. Souriez, vous êtes sur Radio Parasite. À bientôt. Grosse bise numérique.